si les galaxies sont aujourd'hui des objets bien connus, très étudiés, dont on connaît donc les différentes formes, les catégories, les déplacements, il n'en reste pas moins que ces mêmes galaxies recèlent encore d'importants mystères pour les astrophysiciens. Comment elles naquirent? Comment elles mourront? Et c'est à cela, la fin des galaxies, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort d'une galaxie? Comment meurt-elle? Si tant est qu'elle meurt un jour, peut-on parler de fin de vie? Que se passe-t-il lorsque plus aucune étoile ne naît en son sein? Bref, les galaxies peuvent-elles cesser d'exister? Galaxie, à la vie, à la mort, c'est le programme mortuaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méta scientifique. Et pour parler de la fin de vie de ces géantes cosmologiques, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Fench. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure et au Centre de recherche en astrophysique de Lyon. Et Emmanuelle Dadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies du département Astrophysique, Instrumentation, Modélisation du CEA de Saclay, en collaboration avec l'Université Paris-Saclay. Mais on commence par celle qui, comme les diamants, est éternelle. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour la première fois, Natacha, un nourrisson a reçu une nouvelle procédure de greffe avec une transplantation du cœur et du thymus. Et nous avons peut-être découvert une nouvelle méthode pour éviter le rejet immunitaire lors de greffes cardiaques. Les médecins de l'université de Duke aux États-Unis ont transplanté un cœur puis un fragment de thymus sur un nouveau-né qui avait une anomalie cardiaque et une absence de thymus, une glande qui est essentielle pour le système immunitaire. Le cœur et le tissu thymique provenaient du même donneur pour que de cette façon, le système immunitaire ne rejette pas le greffon cardiaque. Cela devrait permettre à cet enfant de s'affranchir des traitements immunosuppresseurs, des traitements anti-rejet, qui habituellement doivent être pris toute la vie et qui sont associés à beaucoup de complications médicales. Alors, l'opération a eu lieu cet été, l'enfant est en bonne santé et d'autres examens sont en cours. Mais selon les auteurs, cette approche combinée pourrait être pertinente pour d'autres transplantations d'organes. Julien Zuber est néphrologue transplanteur à l'hôpital Necker et professeur d'immunologie clinique à l'université Paris-Cité. Donc le thymus a la même origine que le greffon cardiaque. Et l'intérêt, c'est que ce TIF qui est implanté à distance va permettre d'éduquer désormais le système immunitaire du receveur pour tolérer le greffon cardiaque. Et ces lymphocytes, ils vont à la fois lui conférer une capacité à se défendre contre les infections, mais en plus, ils vont avoir la capacité désormais à reconnaître le greffon cardiaque qui vient du même donneur comme faisant partie de soi et donc à ne pas vouloir le rejeter. Ils vont le préserver. Donc en fait, cet enfant, il ne prend pas de traitement. Alors oui, il y a un petit côté un peu marketing dans ce film, disant que ça peut être décliné dans d'autres transplantations d'organes. C'est vrai, c'est pas vrai. D'abord, pour une raison très première, une raison triviale, c'est que par définition, un donneur, il a un seul thymus et que lorsqu'on prélève des organes chez un donneur, il y a de multiples organes. Il y a deux reins, un foie, des poumons, un cœur. Et par définition, on va pas pouvoir démultiplier comme ça les options de thymus pour tous les receveurs potentiels de tous ces organes. C'est la première limite. Mais la deuxième, surtout, qui est la plus importante, c'est que là, imaginons une situation équivalente avec une transplantation rénale, ça serait très différente parce que vous greffez un rein dans la partie basse de l'abdomen, et vous n'allez pas, 15 jours plus tard, ouvrir le thorax de ce receveur pour lui retirer son thymus et lui implanter un autre morceau de thymus. Ça, je pense que c'est beaucoup moins acceptable sur le plan éthique. Ça fait courir un risque aux patients par l'ouverture du thorax, qui est inacceptable. Donc je suis pas sûr que ça y ait un débouché pour toutes les transplantations d'organes, mais pour les transplantations cardiaques, ça c'est sûr que c'est très intéressant, en particulier les transplantations cardiaques juvéniles. C'est effectivement une méthode très intelligente, très raffinée pour éviter le rejet d'un greffon cardiaque sans traitement anti-rejet. Mais cette approche, elle est développée depuis des années dans des modèles expérimentaux, y compris chez le gros mammifère, chez le cochon. Là, l'intérêt, c'est qu'ils sont allés à raffiner ce modèle de préparation de thymus ex vivo pour pouvoir lui donner une déclinaison chez l'homme. Voilà, et si vous voulez retrouver justement l'étude qui concerne cette greffe, nous venons de poster le lien sur, comme chaque jour, notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Current Biology, même les organismes les plus simples sont capables de prises de décisions complexes. Oui, c'est le cas de Pristhoncus pacificus, un minuscule ver. Des chercheurs ont suivi le comportement de cette espèce prédatrice. Ils ont découvert que ce nématode, qui n'est doté que de 302 neurones, est capable d'opter pour deux stratégies différentes pour se nourrir. Il peut mordre pour deux raisons, soit pour tuer une proie dans une stratégie de chasse, ou il peut mordre pour dissuader un concurrent dans une stratégie territoriale. Selon les auteurs, cette découverte fournit un cadre pour comprendre les fondements moléculaires de la prise de décision dans des systèmes plus complexes, tels que les êtres humains, eux, dotés de 86 milliards de neurones. Selon l'étude à paraître dans la revue The Astrophysical Journal, nous aurions découvert trois systèmes planétaires en formation autour d'une étoile binaire. Une équipe internationale, dont des chercheurs de l'Observatoire de Paris, ont analysé 30 années de données du Very Large Array et du grand réseau ALMA de l'Atacama. Ils ont calculé les orbites de SV13, un jeune système binaire, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, à 980 années-lumière de nous. Ils ont découvert trois disques autour de ces étoiles. Chaque étoile est entourée d'un disque circumstellaire, un disque de gaz et de poussière en rotation, et l'ensemble est entouré d'un grand disque externe, circumbinaire, avec de longs bras spiraux dans les premiers stades de formation. Ce sont dans ces disques que s'accumulent de petits corps pour former des planétésimaux, de jeunes planètes. En d'autres mots, les chercheurs assistent à la naissance d'au moins deux systèmes exoplanétaires. Et pour finir, une étude parue dans la revue Science Advances, les arbres qui poussent plus proches des uns et des autres sont plus résistants face aux tempêtes. Et des résultats à mettre en perspective avec le dérèglement climatique où les ouragans et autres phénomènes extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents. Une équipe japonaise étudiait la résilience des arbres selon leur espacement. Lorsqu'en 2018, leurs deux parcelles d'études ont été frappées par un typhon. Il se trouve que la parcelle qui a résisté au cyclone est celle où les cèdres étaient les moins espacés entre eux, contrairement à la parcelle plus éclaircie qui a été à moitié détruite. Avant, pendant et après le typhon, les chercheurs ont mesuré comment les arbres réagissent dynamiquement au vent. Selon eux, lors d'une tempête, les arbres se soutiennent mutuellement et dissipent ensemble la force du vent. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain journal des sciences. Si cela fait à peu près un siècle maintenant que nous avons pris conscience qu'il existait d'autres galaxies dans l'univers, ce qui, à l'échelle de la compréhension de l'espace, est relativement restant, si nous pensons aujourd'hui qu'il y a, allez, à la louche, autour de 2000 milliards de galaxies dans l'univers, avec une certaine marge d'erreur, si nous en avons établi une tératologie assez précise, hein, galaxies spirales comme la nôtre, barrées, elliptiques, lenticulaires, une classification établie par Edwin Hubble lui-même autour de l'année 1936, reste encore deux inconnues importantes. Comment ces galaxies se forment et comment elles cessent leur activité. Puisque si on ne peut pas à proprement parler de mort des galaxies, les mécaniques célestes qui conduisent à la fin de formation d'étoiles en leur sein restent donc pour l'heure une sorte de mystère. On commence par le début. Les galaxies qui sont aujourd'hui les objets célestes de référence, que sont-elles? Voici la réponse apportée en 1975 dans notre archive du jour par l'astronome Jean Heydemann. C'est dans l'émission « La science en marche ». Bien, une galaxie, c'est une population d'étoiles, un ensemble, un système, une concentration d'étoiles. Notre Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous, fait partie d'un ensemble que l'on appelle la Voie lactée, et qui est composée de milliards d'étoiles. Jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, on ne connaissait même pas les autres galaxies. Les études des astronomes s'arrêtaient d'abord au système solaire, puis ensuite aux étoiles de notre propre Voie lactée, et on n'allait pas plus loin. C'est maintenant, grâce à la puissance de nos moyens d'observation et au développement de la physique, qu'on accorde aux galaxies une place de plus en plus grande. Pour l'instant, on en a dénombré 100 millions, et cela jusqu'à une distance de 5 milliards d'années-lumière. 5 milliards d'années-lumière, calculez ce que ça fait, mes chers auditeurs, à raison de 300 000 km à la seconde. Exactement. Pour la vitesse de la lumière. Oui, oui. Il n'y a qu'à compter ensuite le nombre de secondes dans une année, dans 5 milliards d'années, ça donne la distance. Elle n'est pas petite, j'aime mieux ne pas la dire, j'aurais peur de me tromper en cours de route. Mais pourquoi avez-vous arrêté votre réponse à 5 milliards d'années-lumière? Eh bien tout simplement parce que même les gros télescopes du Mont Palomar ou du Caucase ne peuvent pas voir plus loin. Les images sont trop faibles pour être enregistrées. Voilà l'état de nos connaissances en 1975, il y a pas loin d'une cinquantaine d'années maintenant. Votre réaction à cette archive, l'un et l'autre, Jérémy Fench pour commencer. Alors, c'est une archive très intéressante parce qu'elle permet de voir historiquement notre évolution de notre rapport à cette science extra-galactique. Et il y a quelque chose que j'aimerais rajouter à la définition qui a été donnée d'une galaxie comme une population d'étoiles, c'est qu'elles contiennent aussi beaucoup de gaz, qui est en fait le carburant à la formation d'étoiles. Donc les galaxies, il faut vraiment les voir comme des objets, des sortes d'usines qui transforment le gaz en étoiles. Par exemple, la masse de la Voie lactée, elle est composée à 95% à peu près d'étoiles et 5% de gaz. Dans l'univers un peu plus ancien, il y avait beaucoup plus de gaz parce que justement, il y avait plus de gaz pour former des étoiles. On ne pouvait arriver à 50-50, voire moins si on remonte très très loin. Emmanuel Edadi, une réaction également à cette archive? Oui, on voit bien la progression de la science parce que aujourd'hui, on étudie les galaxies dans leur première milliard d'années depuis le Big Bang. Donc, on est arrivé presque jusqu'au bout. Quels seraient aujourd'hui l'un et l'autre, début 2022, la définition que vous donneriez d'une galaxie? Qu'est-ce que c'est précisément que cet objet céleste, je le disais tout à l'heure, mais vous pouvez peut-être rectifier ou corriger ce que je disais, dont on estime qu'il y a 2000 milliards d'unités à minima dans l'univers, et c'est vraiment une estimation au doigt mouillé, Jérémy Fench. Alors, c'est une question qui est difficile d'arriver à répondre très facilement à cette question. En fait, il faut voir, je pense, les galaxies comme une sorte de condensation de gaz cosmique. Gaz qu'en fait est partout dans l'univers, et il y a des endroits où ce gaz est plus dense et a formé donc une sorte de structure, parfois avec des bras spiraux, qui va transformer le gaz en étoile. Donc il faut voir ces galaxies comme une pouponnière. Une pouponnière d'étoiles qui est alimentée par des sortes de filaments de gaz qui viennent du reste de l'univers. Emmanuel Edadi, votre définition à vous, si vous vouliez la compléter ou rajouter des choses sur cette définition? Je crois que la définition de l'archive est bonne. Il y a un range d'échelle dont les galaxies s'étendent. Ils vont jusqu'à des centaines de milliards de masses des soleils, c'est un peu la limite supérieure. Dans la limite inférieure, c'est un peu moins bien défini, la limite entre les galaxies, pour exemple, les amas globulaires. Mais bon, je pense que la définition était bien déjà il y a une cinquantaine d'années. Pour se référer à ce que l'on connaît, donc notre galaxie à nous, la Voie lactée, c'est une galaxie spirale barrée. Vous pouvez nous expliquer ou nous dire, peut-être nous donner des référentiels, Jérémy Fench. C'est plutôt une grosse galaxie, une galaxie moyenne, une galaxie très typique, une galaxie très atypique? Alors c'est vraiment une galaxie moyenne. Elle est vraiment dans beaucoup de caractéristiques au milieu de la population des autres galaxies spirales, avec à peu près 100 milliards d'étoiles à son actif et qui forment des étoiles à un rythme de 1 à 2 étoiles par an. Il y a autre chose dans les galaxies, parce que là on parle de la matière baryonique, Emmanuel Edadi. On a besoin, pour comprendre la mécanique galactique, d'ajouter cette masse manquante qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que quand on arrive à estimer la distance et la vitesse d'une galaxie, on peut en estimer également la masse. Et la masse, si on ajoute simplement la masse des étoiles ou des nuages de gaz qui la composent, ça ne suffit pas. Il y a une grosse part de la masse des galaxies qu'on ne connaît encore pas exactement. Oui, absolument. La plus grande part de la masse des galaxies, c'est sous forme de matière noire, dont on ne connaît pas encore la nature. Et ça, c'est essentiel pour comprendre aussi l'évolution et la dynamique des galaxies. On parle des halos de matière noire qui peuvent être typiquement une centaine de fois plus massifs que la masse des structures qu'on voit, la masse baryonique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette masse manquante ou de cette matière noire, Jérémy Fench? Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire pour compléter le modèle que l'on observe, nous, avec nos connaissances actuelles? Mais en fait, au moment de cette archive, à peu près en 1973, il y a une astronome américaine qui s'appelait Vera Rubin, qui a vu que les courbes de rotation des galaxies n'étaient pas du tout ce à quoi on s'attendait. Elles tournent beaucoup plus vite dans leur partie externe que ce auquel on s'attendrait en juste regardant la masse qu'on voit avec nos yeux. Et c'est là, à partir de là, qu'on a eu l'idée de rajouter une sorte de masse qu'on ne verrait pas avec nos instruments, donc de matière noire, parce qu'on ne la détecte que par ses effets gravitationnels. Mais on a aussi besoin de cette matière noire sur d'autres échelles pour expliquer la masse des amas de galaxies, mais aussi la structure du fond diffus cosmologique. Donc c'est vraiment un problème global dans toute l'astrophysique actuellement. « France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, c'était en quelques minutes de quoi vous rafraîchir, auditrices, auditeurs, la mémoire sur les galaxies, puisque c'est évidemment un sujet que nous avons traité à nos nombreuses reprises, et on va vous mettre, comme chaque jour, un certain nombre de liens vers nos émissions précédentes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Nous allons parler donc maintenant de ce que l'on appelle, certainement à tort, la mort des galaxies, Jérémy Fench, Emmanuelle Dadi. Pourquoi est-ce que parler de mort des galaxies, c'est finalement assez impropre, Emmanuelle Dadi? Oui, donc c'est une sorte de slang qu'on utilise déjà à l'intérieur de la communauté scientifique. Il est beaucoup utilisé depuis une quinzaine d'années. Le slang, c'est d'argot. Voilà, oui. C'est une sorte de mot, voilà, d'argot. Je vous en prie, je vous laisse poursuivre. Oui, en fait, la définition d'une galaxie morte, une galaxie qui ne forme plus ou presque plus d'étoiles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de galaxies actives. Et en regardant dans le passé, il y a 5 ou 10 milliards d'années, les galaxies étaient beaucoup plus actives que maintenant. Mais il y a aussi des galaxies qui ne sont pas actives, qui ne forment pas d'étoiles. Il y a un certain temps où dans la communauté, on les appelait simplement passives. Mais après, bon, cette définition a pris des pieds. On les appelle red and dead, les galaxies rouges et mortes. Pourquoi rouges? En fait, pourquoi rouge, ça revient en fait à la propriété de l'évolution stellaire. En fait, quand les galaxies sont mortes, elles ne forment plus d'étoiles nouvelles. Et les nouvelles étoiles, ils comprennent des étoiles massives et bleues. Ils sont bleus parce qu'elles sont très chaudes. En fait, il y a une relation température, luminosité et masse des étoiles. Et cette étoile massive, ils ont un taux d'évolution très rapide. Donc, il prend quelques millions d'années. Après, ils disparaissent. Ils explosent comme supernova et donc, ils sont plus là. Ou ils sont vraiment morts. Et donc, il reste seulement des étoiles moins massives qui ont une température plus basse de l'atmosphère. Et donc, ils sont plus rouges. Et comme les galaxies, ils ont seulement ces types d'étoiles-là, on les voit avec des couleurs assez rouges. Donc, on parle de galaxies rouges et mortes. Jérémy Fench, aujourd'hui, on en connaît de nombreuses galaxies comme ça, qui sont rouges et mortes, en tout cas, qui ne forment plus aucune étoile. Alors, on en connaît pas mal, et à peu près de toutes les masses, et à peu près de tous les environnements. Et ce qui demande, du coup, de comprendre quels sont ces mécanismes qui vont stopper et empêcher la formation d'étoiles, comme Emmanuelle disait, pour des masses très importantes, un différentiel de masse très important, mais aussi pour des localisations très importantes. Par exemple, quand beaucoup de galaxies se retrouvent groupées ensemble, comme une sorte d'amas de galaxies où 1000 galaxies sont voisines les unes des autres, la plupart des galaxies ne forment quasiment plus d'étoiles. Alors, on comprend bien que, évidemment, plus on remonte dans le passé, plus on observe des galaxies lointaines, plus ces galaxies, sont actives. Ça veut dire que aujourd'hui, Jérémy Fench, les galaxies mortes sont des galaxies qui ont l'âge de la Voie lactée, c'est-à-dire l'âge de l'univers peu ou prou, 13,5 milliards d'années. Ça veut dire que notre galaxie à nous, la Voie lactée aussi, petit à petit, est en train, vous évoquiez qu'il ne reste plus que 5% de gaz par rapport à la masse de la galaxie, ça veut dire que notre galaxie est en train de mourir progressivement? Alors c'est une très bonne question. Alors, ce qui se passe, c'est que, en effet, la Voie lactée a un réservoir de gaz qu'elle consomme petit à petit par la formation d'étoiles. Mais il y a des sortes de filaments de gaz assez diffus, mais qui viennent autour de la galaxie et qui continuent de la remplir et qui lui donnent assez de carburant, en fait, pour continuer à former des étoiles. Alors, pour un ordre de grandeur, je dirais que le gaz qui est actuellement dans la Voie lactée lui permettrait de continuer à former des étoiles au même rythme pendant encore 1 milliard d'années. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les ordres de grandeur. Mais continuellement, il y a comme ça du gaz qui continue d'arriver. Alors évidemment, si jamais ce gaz n'arrive plus pour une raison physique, ce qu'on peut appeler une sorte de strangulation de galaxies, en effet, la galaxie pourrait ne plus pouvoir former d'étoiles et finirait par devenir red and dead, rouge est mort. Et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée justement à ces filaments cosmiques, à ces filaments de gaz qui forment une espèce de toile intergalactique tout à fait passionnante. On va parler, si vous le voulez bien, l'un et l'autre, de l'étude que vous avez co-écrit, co-signée en janvier 2021 dans la revue Nature Astronomy sur une galaxie assez particulière qui s'appelle ID 2299 ou 2299, une galaxie lointaine sur le point de mourir. Emmanuel Dadi, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez réussi à observer grâce au radiotélescope ALMA au Chili? Oui, bien sûr. Donc, celle-là, c'est une étude qu'on a publiée il y a juste une année. Et ça a été une découverte inattendue. Parce qu'en fait, on était en train de regarder toute autre chose. On était en train d'utiliser l'interféromètre ALMA au Chili, à Atacama, pour observer en fait un centaine de galaxies qui sont situées entre 7 et 10 milliards d'années-lumière de nous, donc très lointain, et au temps cosmique qu'on appelle un peu le midi cosmique, parce que c'est le temps où il y a la plus grande activité de formation d'étoiles dans les galaxies, dans l'univers. Mais aussi, c'est aussi la phase très importante pour la formation de cette galaxie rouge et morte. Et donc, bon, on a regardé un centaine de galaxies avec des très fortes taux de formation d'étoiles. Et avec ALMA, on étudiait leur contenu de gaz. En fait, le gaz, c'est de quelque façon les matériels dont les galaxies vivent et se nourrissent. Parce qu'ils forment des étoiles, et en formant des étoiles, ils consomment les gaz. Et donc, ils ont besoin d'être remplis. Et on étudie comme le réservoir de gaz pour évoluer. Et donc, pendant cette étude, ça c'est une collaboration internationale, une quinzaine de chercheurs un peu partout le monde qui menaient ça, on a trouvé une qui c'était très particulière, parce qu'en fait, on avoue qu'en plus de l'émission de gaz de la galaxie classique, on voyait aussi une émission additionnelle qui était en train de se détacher de la galaxie, est très importante. En fait, on avoue qu'environ la moitié du gaz de la galaxie était en train de s'inhaler pour quelques raisons. Et donc, bon, on a été très excités parce qu'on a dit que peut-être cela va nous enseigner quelque chose sur la façon dont la galaxie meurt. Parce que pour le fait même qu'il y a une moitié des gaz qui s'en va, ça impliquait que bientôt la galaxie, on croit qu'elle allait terminer sa phase de formation d'étoiles. Jérémy Fench, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe, puisqu'on vient bien d'entendre que les galaxies red and dead, donc rouges et mortes, sont des galaxies qui arrêtent de former des étoiles. Or, ce que vient de nous expliquer Emmanuel Dadi, c'est que cette galaxie ID 2299 que vous avez repérée grâce à ALMA formait 550 fois plus d'étoiles que notre Voie lactée. Donc c'est une galaxie qui à la fois perdait énormément de son gaz, donc de son carburant pour former des étoiles, mais qui en même temps en formait à une très très grande vitesse. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Alors, c'est pas tellement un paradoxe, parce que, justement, une des façons pour une galaxie de perdre son gaz, c'est de tout le consommer d'un coup. Et de tout le consommer d'un coup, ça peut lui arriver dans des cas particuliers, et notamment lors d'une collision entre deux galaxies. Et c'est ce qu'on pense être la raison de cet événement. Donc cette galaxie qui a été donc découverte par notre collègue Anna Grazia Puglisi, qu'elle apporte vraiment de nouveau, c'est une sorte d'idée en plus par rapport au paradigme qu'on utilisait dans la communauté, que le gaz partait des galaxies à cause des explosions d'étoiles et des trous noirs supermassifs. Mmh. Et là, on amène un nouveau processus. C'est-à-dire que du coup, alors on est dans l'univers, Jérémy Fench, vous m'arrêtez évidemment si je me trompe, mais on est dans l'univers relativement jeune, hein, on est à 4 milliards et demi d'années après le Big Bang, et ça veut dire que cette galaxie, finalement, elle brûle extrêmement vite, ça veut dire que dans très peu de temps, elle va arriver à court et elle va se figer en quelque sorte dans l'état dans lequel elle sera dans quelques dizaines de millions d'années, c'est ça? Exactement. Donc, je vous ai dit que pour la Voie lactée, on avait assez de carburant pour avoir le même rythme pendant un milliard d'années. Là, pour cette galaxie, il y a juste assez de carburant pour garder ce rythme pendant 40 millions d'années. Donc, c'est ridicule, c'est minuscule à l'échelle des temps cosmologiques. Et donc, en fait, cette galaxie est vraiment sur le point. Elle forme beaucoup d'étoiles. C'est un peu le champ du cygne, si vous voulez. Elle crée beaucoup d'étoiles maintenant, et puis elle va s'éteindre. dans quelques millions d'années. Ce qui n'est rien à ces échelles-là. Oui, à l'échelle cosmologique, quelques millions d'années, c'est effectivement très rapide. Emily Daddy, est-ce qu'on comprend aujourd'hui, est-ce que vous avez compris exactement les mécanismes qui étaient à l'origine de cette perte extrêmement rapide de gaz que vous avez décrite? Peut-être pas exactement. En fait, on croit avoir une modélisation qui est la plus courante, qui est celle dont parlait Jérémy, et donc que c'est une fusion qui a causé cette grande éjection de matériel de la galaxie. Et bon, en fait, pour être sûr que ça, c'est une façon importante dans la plupart des galaxies, ou une fraction importante des galaxies mortes, il faut augmenter les statistiques. Et bon, il faut du temps et plus de recherches pour aller dans cette direction-là. Mais quand même, cette sorte de découverte unique, on peut l'expliquer parce qu'en fait, les temps d'échelle qu'on a pour voir les moments exacts où cette grande quantité de gaz est en train de s'éjecter de la galaxie sont très brèves. Et ça pourrait expliquer pourquoi il c'est pas très courant de trouver des choses similaires. Mais bon, il faut trouver des autres échantillons et des autres confirmations pour être sûr. Il y a une autre chose intéressante, je crois, de cette étude, qu'il fait les liens entre la mort des galaxies et la fusion des galaxies. Et en fait, ça c'est une façon de détruire les galaxies qui potentiellement c'est très intéressant. Parce qu'il fallait lien aussi avec un autre aspect qui s'est observé couramment. C'est le fait que les galaxies rouges et mortes, en fait, ils ont une forme, une morphologie qui est très différente des galaxies qui forment des étoiles. Mmh. En fait, les galaxies qui forment des étoiles comme notre Voie lactée, il a une forme à disque. Essentiellement, c'est bidimensionnel, c'est comme un plat où on mange. Mais les galaxies mortes et rouges, ils sont tridimensionnels, ils sont comme des ballons de rugby. Sur des galaxies. Alors ça veut dire, Emmanuel Edadi, que les galaxies en fin de vie ne sont plus des galaxies spirales, ce sont des galaxies qui ont d'autres formes, qui sont soit elliptiques, soit irrégulières, soit lenticulaires, enfin qu'elles font partie d'une autre catégorie de galaxies. Exactement, ils ont une forme différente. Et donc, il y a deux choses à expliquer en même temps. C'est le fait que c'est l'interruption des formations d'étoiles et aussi le changement des formes. Et donc, en principe, la fusion des galaxies, c'est un procès intéressant parce qu'il pourrait expliquer les deux choses en même temps. Parce que la fusion, comme c'est très chaotique, va détruire les disques et former des structures tridimensionnelles. Et ça, Jérémy peut très bien nous expliquer parce que sont en fait aussi les simulations numériques. Donc, et un grand expert qui nous explique tout ça. Et donc, en même temps, la fusion, on voit dans cette étude qu'il peut contribuer fortement à arrêter la formation d'étoiles. Et donc, en principe, c'est une piste très intéressante. On réexaminera tout à l'heure la question justement de la collision ou de la fusion des galaxies et les effets très distincts que ces fusions ou ces collisions peuvent avoir, ce qui est d'ailleurs notre horizon à tous. Alors même si il y aura plus grand monde d'ici là pour y assister, mais notre Voie lactée doit entrer en collision avec la galaxie d'Andromède d'ici, je parle sous votre contrôle, d'ici 4 à 5 milliards d'années, c'est ça Jérémy Fench? À peu près, oui. À peu près. Oui, il y aura plus grand monde pour voir ça. Néanmoins, Jérémy Fench, vous vouliez compléter ce qu'était en train de dire Emmanuel. Alors, en effet, donc on a ce changement de morphologie des galaxies, mais il est surtout accessible aux galaxies qui sont très massives. Il se trouve qu'il y a aussi des galaxies de faible masse qui restent spirales et qui peuvent arrêter leur formation d'étoiles par d'autres processus. Par exemple, une galaxie qui rentre dans un amas de galaxies, elle va être choquée par le gaz contenu dans ce halo. Le gaz va être expulsé de cette galaxie. Ça forme de très belles galaxies qu'on appelle des galaxies, en fait, des jellyfish. Donc, c'est des méduses. Poulpes, des galaxies poulpes. Ouais, méduses, exactement. Donc, il y a des traînées de gaz qui sont comme ça, qui sortent de la galaxie à cause d'une sorte de pression de bélier du gaz qui est contenu à l'intérieur du halo. Donc, ce qui montre qu'en fait, on a plein de processus qui sont à l'œuvre. À la fois, il peut y avoir de l'éjection du gaz pendant une collision, une consommation, ou alors même une éjection par pression. Ce qui montre en fait, notre sujet de recherche, c'est vraiment quel est le mécanisme qui est le plus important et donc pour quelle échelle de masse et quel environnement. Et est-ce que ça veut dire, parce qu'une fois qu'une galaxie a épuisé donc tout son carburant, que tout le gaz a été soit consommé, soit expulsé, est-ce qu'on a aujourd'hui l'idée, des modèles, évidemment, j'imagine, qui nous propose des évolutions de ces galaxies. Ça veut dire que petit à petit, elles vont rester quasiment permanentes, elles ne vont plus bouger, ou est-ce que malgré cela, il y a encore des trajectoires chaotiques? Est-ce qu'elles peuvent recommencer après avoir arrêté de produire des étoiles à en recréer d'un seul coup à l'occasion bien d'une traversée d'un autre nuage de gaz ou de la rentrée ou du déplacement de la galaxie? Quels sont les modèles que l'on dispose pour vraiment la fin de la fin de la fin, entre guillemets, Emmanuel Dadi? Oui, ça, ce sont des questions vraiment très intéressantes et très débattues aujourd'hui. Déjà, on peut parler du fait si des galaxies rouges et mortes restent rouges et mortes pour toujours. C'est débattu. Et en fait, on peut penser à des mécanismes pour lesquels ces galaxies vont réacquérir du gaz à un certain moment et donc l'activité des formations d'étoiles pourrait commencer. On a quelques exemples des choses qui arrivent comme ça, mais la chose débattue, c'est si c'est un mécanisme important ou pas. Par exemple, même dans notre galaxie, la Voie lactée, on sait bien qu'il y a un composant mort, qui c'est le bulbe, qui c'est au centre de la galaxie. C'est un composant sphéroïdal aussi, et dont les étoiles ont été formées il y a 8 ou 10 milliards d'années. Et donc, en principe, c'est pas clair si, en fait, même notre galaxie pourrait être en quelque forme de réjuvénation, comme on dit, parce que c'est possible que les bulbes avaient été formés très tôt, elles existaient en soi-même dans une phase initiale, et après, le gaz a commencé à retomber sur le système, et donc les spirales se sont formées. Parce que c'est clair que la partie spirale de notre galaxie est en moyenne plus jeune que les bulbes. Mmh. C'est en moyenne, mais ça ne veut pas dire que... En fait, peut être aussi que le disque il était là depuis le début et les bulbes s'est formé petit à petit et entre-temps. Et donc, c'est pas clair, mais c'est possible qu'il y ait une phase des réjuvénations des galaxies. Et si c'est important ou pas, c'est débattu. Pour exemple, il y a beaucoup de recherches sur les choses qu'on appelle... la vallée verte, Green Valley mm-hmm. en anglais, qui sont, disons, des galaxies intermédiaires entre les bleus et les rouges, on l'appelle vert, et qui, c'est pas clair, il y a certaines théories qui disent qu'ils sont en fait des galaxies en train de transitionner de la nuage bleue à la nuage rouge, et donc de mourir. Mais ça pourrait être aussi l'autre direction, et donc des galaxies qui étaient rouges et mortes, qui ont trouvé de nouveaux gaz et ont commencé à reformer des étoiles. Donc, il y a ces deux pistes possibles. Il y a aussi une autre chose intéressante, qui est normalement pour ces galaxies rouges et mortes, qui on trouve jusqu'à très tôt dans l'histoire de l'univers, on s'attend qu'elle évolue de façon passive, parce que bon, les étoiles continuent à évoluer, à briller, mais rien d'autre se passe. Mais il y a une dizaine d'années qu'on a trouvé qu'en fait, c'est pour la même masse d'étoiles, quand on regarde la galaxie rouge et morte dans l'hiver lointain, elles ont une taille beaucoup plus petite que les mêmes types de galaxies dans l'hiver local. Mmh. Donc, quand même, ce n'est pas seulement une évolution passive, mais il y a quelque chose qui se passe, parce que peut-être la taille change de quelque façon, ou il y a un effet de sélection par lequel ils ne sont pas exactement les mêmes types de galaxies qu'on voit dans les deux temps différents. Et cela aussi s'est ouvert depuis une dizaine ou quinzaine d'années, et on n'a pas encore la solution à cette problématique. Mmh. Jérémy Fenn, peut-être rapidement un mot sur ces processus de réjuvénation, si j'ai bien compris Emmanuel Dadi. Alors, ce processus de réjuvénation, il peut arriver de différentes façons. L'idée principale, c'est d'arriver à ramener du gaz dans la galaxie. Donc, ça peut arriver soit parce que l'arrivée du gaz, donc ces filaments de gaz qui tombent sur les galaxies qui avaient été arrêtées, est revenu. Ou ça peut être parce que la galaxie en a mangé une autre qui était riche en gaz. Il y a ces deux types de phénomènes. Un autre phénomène, je pense que c'est à peu près les deux principaux. On va continuer à parler de ces morts galactiques dans quelques instants. On va essayer de comprendre comment, une galaxie peut arriver de manière un peu précipitée ou un peu abrupte à court de carburant. Vous allez voir qu'il y a plein de phénomènes intra et extra galactiques qui sont tout à fait passionnants. Ce sera dans quelques secondes musicales. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what. Under the Milky Way de The Church à 16h35 sur France Culture, nous parlons de galaxies et plus précisément de la fin de vie des galaxies, de ce moment où elles arrêtent de produire de nouvelles étoiles. Nous en parlons avec Jérémy Fench qui est maître de conférence à l'École Normale Supérieure et au Centre de Recherche en Astrophysique de Lyon et Emmanuelle Dadi qui est chercheur au Laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies du département Astrophysique, Instrumentation et Modélisation du CEA de Saclay en collaboration avec l'Université Paris-Saclay. Alors pourquoi une galaxie cesse-t-elle de produire des étoiles? Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'hypothèses à ce sujet. C'est cette question au centre du mystère de la mort des galaxies. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une affaire de morphologie galactique? Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Nicolas. Vous êtes allé poser ces questions à l'Observatoire de Paris. Oui, j'ai rencontré Barbara Mazzelli-Ciroulo, tout juste docteur en astronomie au LERMA, le laboratoire d'études du rayonnement de la matière en astrophysique et atmosphère. Elle s'est intéressée durant sa thèse à 29 galaxies présentant des propriétés bien particulières. Bon nombre d'entre elles sont situées dans ce qu'on appelle la vallée verte, c'est-à-dire une zone, un moment de transition entre les galaxies très actives productrices d'étoiles, qu'on appelle bleues, et les galaxies inactives, les retraitées, les rouges. L'étude de ces galaxies dans la vallée verte permet de mettre en lumière deux profils différents dans cette transition. Soit les galaxies présentent un arrêt de formation de leur étoile en leur centre, soit elles cessent d'en produire à la périphérie. Ces dernières années, on a fait de gros progrès dans notre compréhension des mécanismes qui régissent l'évolution des galaxies. Mais il reste de grandes questions auxquelles il faut qu'on réponde. Notamment, on ne comprend pas encore bien comment une galaxie cesse de vivre, comment elle cesse d'évoluer, pourquoi et quel est le mécanisme qui va faire qu'elle arrête de former des étoiles et donc qu'elle devient retraitée et qu'elle cesse d'évoluer. Pour répondre à cette question, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié 29 galaxies qui présentaient des propriétés très intéressantes pour répondre à cette question de comment les galaxies meurent, puisqu'elles étaient observées déjà avec un instrument me permettant d'étudier le gaz et les étoiles à la fois au centre de ces galaxies, mais aussi dans leur région extérieure, et donc déterminer si les mécanismes qui régissent la formation des étoiles sont différents en fonction de l'endroit où on se situe dans la galaxie, mais aussi parce qu'une grande proportion de ces galaxies évolue dans une région qu'on appelle la vallée verte et qui constitue une région qu'on pense être une région de transition entre le régime dans lequel les galaxies forment des étoiles de façon très active et le régime dans lequel les galaxies sont retraitées et donc sont passives, ne forment plus d'étoiles. Et vous avez utilisé un instrument qui est la spectroscopie intégrale de champ, qui a donné en fait des relevés particuliers, qui s'appelle relevé manga. Vous obtenez cet hexagone qui vous permet de montrer la zone que vous regardez et de montrer un petit peu l'activité de production d'étoiles. Donc la galaxie est observée par des dizaines de fibres. Et pour chacun de ces points dans l'hexagone, pour chacun de ces pixels que l'on voit sur cette image, on obtient un spectre. Et à partir de ce spectre-là, on obtient les propriétés du gaz, on peut déduire l'âge des étoiles. Ensuite, j'ai réalisé des cartes à deux dimensions, avec pour chaque pixel l'information qui provenait du spectre correspondant. Et en effet, c'est en observant ces cartes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait différentes structures en fonction des galaxies observées. Donc pour les quelques galaxies de notre échantillon qui appartiennent au nuage bleu, à nouveau cette zone qui correspond surtout à des galaxies actives, on a pu voir que les étoiles sont essentiellement jeunes, c'est ce qu'on attendait. Pour les deux galaxies de notre échantillon qui étaient dans le groupe rouge, donc dans la séquence des galaxies retraitées, les étoiles sont vieilles sur toute la zone observée. Dans le cadre des galaxies qui appartiennent à la vallée verte, on a vraiment des structures différentes et on a en fait deux structures dominantes de façon de se comporter de la part de la galaxie. On a à la fois des galaxies donc dans cette vallée verte qui ont, comme on peut le voir sur cet hexagone, donc des étoiles vieilles au centre, dans leur région vraiment centrale, avec un amas rouge dans les pixels centraux. Et puis autour, on va avoir des étoiles plutôt jeunes. Et à l'inverse, on a un comportement un petit peu opposé pour une autre partie des galaxies de la vallée verte, avec plutôt cette fois-ci, comme on peut le voir, des populations stellaires, donc des étoiles jeunes au centre, et puis des étoiles plus âgées dans les régions extérieures à la galaxie. Donc ça donne deux morphologies différentes. Quelles sont les explications justement de ces deux mécanismes ? Alors c'est difficile de trouver vraiment l'argument définitif et puis d'avoir une réponse absolument certaine là-dessus. On s'est rendu compte que pour les galaxies notamment qui ont des étoiles vieilles au centre et des étoiles jeunes sur les extérieurs, il y a aussi dans ces zones où les étoiles sont vieilles une activité qui ne semble pas reliée à la formation d'étoiles et qui pourrait être responsable de l'excitation du gaz. Ça pourrait être des phénomènes qui sont plus violent que la formation d'étoiles, ça pourrait être des vents ou des chocs, et puis ça pourrait être aussi la manifestation d'une activité nucléaire telle qu'un trou noir supermassif. Pour la seconde, donc où on voit la structure inverse, à savoir des étoiles jeunes au centre et des étoiles plus vieilles à l'extérieur, on peut avancer l'argument de l'environnement pour celles qui ont des voisines, qui évoluent dans un groupe. Et pour celles qui sont plutôt isolées, on peut avancer l'argument d'une efficacité moindre, c'est-à-dire que le gaz est toujours là, mais pour une raison qu'on n'a pas déterminée, la galaxie n'est plus efficace dans son processus de formation d'étoiles. Ou alors, on peut imaginer que le gaz a été par des forces gravitationnelles, a été entraîné vers le centre de la galaxie. Et c'est pour ça que la formation d'étoiles a lieu essentiellement dans les régions centrales et n'a plus lieu dans les régions extérieures. Et pour continuer ces travaux, ce qui vous manque, comme toujours dans ce type de travaux, c'est une résolution plus importante. Quelles sont les poursuites de la compréhension de ces mécanismes-là ? Quels sont les points d'ombre qui vous restent ? Alors évidemment, en tant qu'astronome, on aimerait toujours des données de plus en plus précises. Il y a des tas d'instruments qui verront le jour dans un futur proche et qui nous permettront d'étudier ces phénomènes. Donc, dans les mêmes gammes de longueur d'onde, à savoir dans le visible, des nouveaux instruments vont voir le jour sur les grands télescopes au Chili, par exemple, sur le VLT. Et l'autre point important, c'est que, donc, comme je le mentionnais, ces données manga sont des données dans le domaine du visible. Sauf que la lumière visible peut être complètement obscurcie par la poussière. Il nous faut des données infrarouges. À nouveau, le futur est très prometteur, notamment avec le lancement du James Webb Space Telescope, qui va permettre justement d'obtenir ces données à haute résolution dans l'infrarouge et va nous permettre d'aller étudier les propriétés de la poussière, mais du coup aussi du gaz et des étoiles qui sont derrière et qu'on n'arrive pas à voir dans le visible, et va nous apporter évidemment des réponses sur les mécanismes de formation et d'arrêt de formation d'étoiles. Voilà le reportage du jour, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jeremy Finch. Alors moi je trouve que c'est un très bon résumé de la nécessité de comprendre qu'il y a beaucoup de mécanismes en jeu, parce qu'on voit qu'il y a des galaxies qui s'arrêtent de former des étoiles par le centre et d'autres par l'extérieur, donc il y a une diversité de phénomènes. Et je trouve qu'elle a très bien décrit les différents types de mécanismes, que ce soit l'environnement, l'efficacité moindre, donc... pas de réaction particulière. On va revenir d'ailleurs sur ces différents mécanismes, mais je voudrais entendre Emmanuel et Dadi peut-être d'abord, dans un premier temps, pareil, votre réaction à ce reportage, à ces explications de Barbara Masi-Cirolo. Oui, c'est une étude très intéressante et très prometteur. Et je voulais souligner un peu la complémentarité de ce type d'études qui sont qui montent dans les passés 1 ou 2 millions d'années, peut-être, par rapport aux études que, bon, Jérémy et moi, on essaie de faire plus lointain. En fait, ça revient à la raison, je crois, conceptuelle importante pour laquelle c'est aussi difficile de comprendre la mort des galaxies. Et le fait, c'est qu'en fait, pour exemple, dans l'univers proche de nous, si on regarde les galaxies mortes, comme on disait dans le reportage, elles sont très vieilles. Et en fait, typiquement, les étoiles sont vieilles des 10 milliards d'années. Et donc, la morte, la cessation de l'activité de ces galaxies, elle est arrivée il y a 10 milliards d'années. Donc, bon, vous pouvez penser qu'en regardant maintenant, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a 10 milliards d'années, parce que bon, il pouvait y avoir des choses qui ont tué la galaxie, qui ne sont plus là. Et même, il peut y avoir des choses qui sont là, mais qui sont arrivées après, quand la galaxie était déjà morte. Et donc, on a ce problème conceptuel. Et en effet, même allant dans le passé plus longtemps, à grand redshift, donc dans 10 milliards d'années dans le passé, ça, on peut nous aider parce que, en fait, on trouve ces galaxies mortes, mais qui sont relativement plus jeunes. Donc, ils sont mortes depuis peut-être 1 milliard ou 500 millions d'années. Donc, on arrive plus proche de la phase de leur morte, mais on n'est jamais là parce qu'en fait, on peut classifier une galaxie comme morte seulement quand quelques centaines de millions d'années sont passées de sa mort. Et donc, c'est fondamentalement ça qui rend aussi difficile de comprendre qu'est-ce qu'il se passe au moment de la mort. Parce que aussi, c'est extrêmement difficile, en regardant une galaxie active, de dire « oui, waouh, ça, dans quelques millions d'années, va mourir ». Et c'est aussi qui rend l'étude dont on parlait au début de la Grazia Puglisi assez intéressant parce que bon, c'est un cas rare où on a l'opportunité de dire oui, cela c'est une galaxie qui forme beaucoup d'étoiles mais qui bientôt va mourir, au moins faire cette hypothèse. Si on regarde justement un peu ces différentes hypothèses d'un peu plus près, Jeremy Finch, donc on peut se dire que le plus simple et le plus logique, ce serait de dire, eh bien, ma foi, le gaz interstellaire dans la galaxie est consommé, il s'effondre, il y a des surdensités, il y a des étoiles qui sont créées, et puis à un moment donné, eh bien simplement, il y en a plus ou il y en a plus assez pour créer des surdensités et pour s'effondrer en étoiles. Mais il y a d'autres possibilités. Parfois, il y a du gaz qui peut être arraché à ces galaxies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et quelles sont les différentes hypothèses pour que ces galaxies, finalement, soient précipitées vers la fin de leur activité alors qu'il leur restait encore une belle vie de quelques millions, voire de quelques millions de millions d'années devant elles ? Alors, ça c'est tout le problème de ce qu'on appelle les vents galactiques. Donc, vous aviez fait une émission, je crois, en novembre dessus avec des collègues à nous, une très bonne émission sur... Quelle mémoire sur qu'est-ce que... Merci. Je l'ai écouté la semaine dernière. Pour voir quels sont ces processus qui peuvent éjecter le gaz des galaxies. Donc, les phénomènes classiques, c'est les supernovées. Les supernovées, c'est des étoiles de 5 à 10 masses solaires qui, au bout de quelques millions d'années après leur formation, vont exploser et lâcher une énorme quantité d'énergie. Et ça va expulser le gaz. Et un autre mécanisme encore plus violent, c'est les trous noirs supermassifs, dont Barbara avait un peu parlé pendant le reportage, qui déclenchent aussi beaucoup d'énergie et qui peuvent éjecter le gaz hors des galaxies. Et du gaz à une vitesse telle qui peut ne pas retomber sur la galaxie. C'est-à-dire que ce gaz peut atteindre la vitesse de libération. On appelle ça la vitesse de libération de la galaxie. Et ici, qui sont des vitesses relativistes, hein, parce que ça veut dire qu'on est sur de l'expulsion de matière. J'imagine que vous faites référence à des quasars ou à des expulsions extrêmement violentes à l'approche du trou noir supermassif qui expulse de façon perpendiculaire des grosses quantités de matière, c'est ça? Alors, la vitesse relativiste, elle est atteinte que pour pas beaucoup de matière, en fait, qui est vraiment très très proche du trou noir. Donc, en effet, on peut atteindre des vitesses quasi relativistes. Mais ces vents galactiques, ils ont typiquement une vitesse de 100 à 200 km par seconde. Mmh. C'est beaucoup, hein. Oui, mais c'est moins que la vitesse de la lumière. C'est moins relativiste. Mmh, mais ouais. Du coup, par contre, tout le gaz, une grande partie du gaz de la galaxie peut être affecté. Mmh. Autre question et un phénomène que vous pouvez peut-être nous expliquer l'un et l'autre, c'est celui des champs de marée galactique. Qu'est-ce que c'est que ces champs de marée galactique et comment peuvent-ils à un moment donné, là aussi une fois de plus, dépouiller les galaxies d'une partie de leur gaz et donc d'une partie de leur carburant à étoiles, Jeremy Finch? Alors, les champs de marée, on peut voir leur effet déjà sur la Terre, parce que la Terre, elle est dans le champ de marée créé par la Lune, ce qui fait que la partie qui est de la Terre la plus proche de la Lune et la partie la plus éloignée de la Lune sont plus et moins attirées que le centre de la Terre, ce qui crée une sorte de bulbe, une sorte de déformation de la Terre, qui fait qu'on a des marées toutes les 12 heures, par exemple. Ça impacte beaucoup l'eau sur Terre, ce qui fait qu'on a des marées toutes les 12 heures. Et ça marche aussi avec les galaxies. Deux galaxies qui se rapprochent l'une de l'autre vont étirer dans l'axe dans lequel elles se voient l'autre galaxie. Elles vont avoir tendance à la déformer comme ça. Et dans ce cas particulier de cette galaxie, la ID2299, si je ne me trompe pas, c'est tellement intense. Alors, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu, il y a des couples gravitationnels, mais cette déformation est tellement... elle est tellement importante qu'elle arrive à expulser la moitié de la masse de gaz de cette galaxie. Et c'est vraiment le phénomène nouveau de cette étude. C'est-à-dire qu'avant, on a déjà beaucoup de processus, et là, bim, on en a un nouveau qu'il faut arriver à comprendre et qui pourrait peut-être expliquer, faire changer l'interprétation plutôt de données anciennes qui avaient où des pertes de gaz avaient été assignées à des trous noirs supermassifs ou à des supernovées. C'est possible que ce phénomène-là soit beaucoup plus fréquent que ce qu'on pensait avant. Donc peut-être un changement de paradigme au niveau de l'expulsion du gaz pourrait arriver. Emmanuel Edadi, sur l'une de ces deux hypothèses, qu'il s'agisse des vents galactiques ou des champs de marée galactique. En fait, les champs de marée galactique, ils ne sont pas eux-mêmes la raison de la mort des galaxies. En fait, ce sont plutôt des témoignages que la mort est en train d'arriver, parce qu'en fait, elle montre qu'il y a du gaz qui reste plus dans l'intérieur des galaxies, mais qui s'en va ailleurs. Et donc, le gaz n'est plus là pour être utilisé pour former des étoiles. Et en fait, ces queues de marée seraient les résultats de la fusion. Et donc, les process importants qui tueraient les galaxies dans ces cas-là seraient la fusion des galaxies, que c'est façon qui on a pour expulser le gaz de façon violente. En fait, l'autre possibilité pour l'expulsion violente, c'est comme Jérémy justement disait, c'est les supernovas, surtout dans les galaxies moins massives, et les trous noirs supermassifs qui pourraient être très énergétiques. Mais bon, même si ce sont des phénomènes qui sont valables et plausibles, il y a beaucoup de débats dans la communauté, parce qu'en fait, si on observe les galaxies, on pense plutôt à des phénomènes d'autorégulation plutôt que des expulsions violentes. Parce que, bon, toujours, quand on a de la formation d'étoiles, il y a aussi des supernovas. Et donc, cette explosion des supernovas, de quelque façon, ralentit la formation d'étoiles, mais n'empêche pas qu'elle continue. Même chose pour les trous noirs supermassifs. On voit des trous noirs supermassifs pratiquement toujours quand on a aussi de la formation d'étoiles. Eux aussi se nourrissent du gaz cosmique. Et donc, dans la plupart des cas, on voit que les phénomènes de différence, ils vont ensemble assez bien pour longtemps. Et on ne comprend pas pourquoi, à un certain moment, il pourrait plus se supporter et un va tuer la galaxie et expulser le gaz. Bon, il y a quelques hypothèses là-bas aussi, mais fondamentalement, beaucoup de chercheurs, ils sont un peu contraires à ce type de raisonnement parce qu'en fait, on pense plutôt à des phénomènes d'autorégulation plutôt que des expulsion violente. Un mot peut-être pour compléter, Jérémy Fench. Emmanuel Dadi évoquait il y a quelques secondes la question des fusions des galaxies. J'avais cru pourtant comprendre que dans l'hypothèse, par exemple, d'une fusion future et lointaine de la Voie lactée de la galaxie d'Andromède, il peut se produire ces phénomènes de réjuvenation, puisque le gaz d'une galaxie finit par se mélanger avec celui d'une autre et recréer de nouvelles surdensités, mais ça peut également créer des phénomènes d'expulsion. Est-ce que ça crée les deux? Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Alors oui, en effet, lors d'une collision de galaxies, il y a beaucoup de processus physiques qui arrivent en même temps, donc c'est quelque chose de très confus. Ce qui se passe ici, c'est sur une échelle de temps courte, on va avoir une augmentation de la formation d'étoiles. Par exemple, la galaxie des antennes, qui montre de très belles queues de marée dans l'univers proche, le taux de formation d'étoiles, on pense qu'il a été multiplié par 20. Mais sur un temps un peu plus long, donc sur la fin de la collision de la galaxie, il y a plein d'autres processus physiques, donc consommation du gaz, mais aussi stabilisation du gaz par la structure en forme de ballon de rugby de la galaxie, qui eux vont au contraire empêcher la formation d'étoiles. C'est-à-dire qu'on va, lors d'une collision, on va d'abord beaucoup consommer de gaz, faire une belle flambée d'étoiles, et puis après, hop, on va arrêter, on va couper la formation d'étoiles, et elle aura lieu au mieux à un rythme beaucoup moins soutenu. Quand vous évoquez les queues de marée, vous pouvez juste nous préciser, les queues de marée, c'est vraiment ces espèces d'effets qui suivent ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, quand les deux masses gravitationnelles commencent à se rapprocher et à déformer le halo et les structures de gaz. Exactement. C'est ce qu'on appelle les queues de marée, sont en fait le résultat de l'étirement de la galaxie d'une galaxie due à l'autre galaxie. Alors il y a ce champ de marée extensif qui aussi déforme la Terre et déforme, enfin dans le système Terre-Lune, les effets de marée déforment la Terre et la Lune. Dans un système entre deux galaxies, ça va déformer les deux galaxies. Mais il y a aussi des effets de ce qu'on appelle de couple gravitationnel. Le couple, c'est un peu comme une force en rotation, un peu comme pour un moteur, on parle de couple par exemple. Et ces couples, lors de l'interaction entre les deux galaxies, va avoir tendance à éjecter de façon violente, dans des cas particuliers où les orbites sont favorables, beaucoup de gaz. Et donc c'est cette combinaison entre couple gravitationnel, force circulaire, et champ de marée extensif, qui va pouvoir balayer tout ce gaz et l'envoyer à des grandes vitesses. Donc là, on parle de 500 km par seconde à peu près, de telle façon à ce qu'il soit éjecté de la galaxie et ne retombe pas dessus. Un mot de conclusion rapidement, Emmanuel Dadi, pour finir. Aujourd'hui, en termes observationnels, qu'est-ce que vous attendriez, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir observer qui permettrait de lever un peu les incertitudes et les questionnements qui subsistent autour de la fin de vie de ces galaxies? Ah, c'est une question de 100 millions de dollars. Alors, j'ai pas autant dans mon compte en banque, mais bon. En fait, c'est très longtemps que la communauté essaie d'adresser cet problème et il n'a pas beaucoup avancé de façon définitive dans plusieurs décennies. Et donc, c'est difficile. Je crois que la façon de l'aborder, c'est statistique. En fait, c'est des gros échantillons statistiques avec des informations sur les âges des étoiles qui peuvent nous venir, pour exemple, de la combinaison du James Webb Space Telescope qui a été lancé, va commencer à observer dans quelques mois. Aussi avec les autres observations multilingueur donc il y en a par ALMA et des autres télescopes. Mais franchement, c'est pas clair. Ce sera en tout cas le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Emmanuel et Dadi. Merci Jérémy Fench d'être venu nous parler de la fin de vie des galaxies. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Noémie Nagat Saint-Vulfran, Natacha Trioux, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.